Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Aujourd'hui, le top cruise de la meilleure bande son. C'est le top cruise. Alors Paulin, la meilleure bande son, toi t'es un peu un expert quand même. Je suis un expert, non, mais disons que comme à chaque fois quand je monte les épisodes, je réécoute quasiment l'intégralité des bandes son, et autant te dire que c'est difficile pour trouver des extraits, c'est pas évident. Mais du coup, je les connais un peu, et là je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans les bandes son. Et il y en a, assez rapidement finalement, il y en a trois qui sont ressortis. Ah ouais. Je me suis dit, je me suis arrêté, les trois premières auxquelles j'ai pensé, je me suis dit, je m'arrête là. Et je les mets dans l'ordre, puis on verra quoi. Okay. Donc ça, là c'est un vrai top 3 et tout, attention. Numéro 3, la bande son de Magnolia de Amy Mann. Ouais, très bien. Parce que c'est bien. Vrai qu'en fait elle reste bien et puis elle va bien avec, elle est à la fois folk, mélancolique, mais joyeuse. Ouais. C'est original, en plus c'est une bande son chantée, enfin il y a plein de morceaux, c'est très très beau. Ok, ah ouais. Voilà. C'est, du coup, celle-là m'est revenue assez vite, donc je me dis, allez, Magnolia. Numéro 3. Numéro 2, celle qui est pareille, je pense qu'elle est très très associée à Tom Cruise aussi, c'est celle de Top Gun, premier du nom, parce qu'elle est en fait, tout le monde s'en souvient très vite, et surtout en fait, elle marche trop bien. Tu l'écoutes, et ça te raconte le film, en fait, rien qu'en l'écoutant, c'était bon, t'as tout le film, tu l'as compris. Bon, c'est pas très compliqué à comprendre, on va se calmer, tu oui, vois. Mais quand même. Mais en fait, elle marche bien. Alors, après, elle est méga kitsch, elle est très années 80 et tout, mais elle marche d'enfer, quoi. Oui, oui, oui. Donc, c'est là aussi, pareil, elle m'est revenue assez vite. Et la numéro 1, là, c'est vraiment de la préférence, c'est celle de la firme de Dave Grusin, où c'est du piano blues jazz. Ah mais oui, c'est celle-là, vrai, elle était très très celle-là, bien. Celle-là, j'aime bien, parce qu'elle est cool, elle est hyper bien écoutée, même en dehors du film, mais elle a une logique, elle met vraiment l'ambiance en plus dans le film, elle est hyper agréable, et elle est aussi originale pour un film thriller comme ça. Mais grave, elle est très particulière. Vraiment... Ouais, elle est chouette, quoi. Ouais, tu trouves piano blues, en fait, qui pourrait pas forcément... Tu te dirais pas ça pour un thriller, mais en fait, ça marche vachement bien. Et voilà. C'est vrai, j'avais oublié, mais c'est vrai que... C'est la première qui m'est revenue. Ouais, m'avait beaucoup plu. Ouais. Je cherche désespérément le vinyle depuis, mais je vais le trouver un jour. Si quelqu'un écoute, il me l'envoie. Cadeau. Eh bien, merci Paulin. Avec plaisir. À demain. À demain.